2013 que j'ai particulièrement apprécié. Et j'aurais pu intituler le début de cette de l'émission de cette semaine du même titre, c'est-à-dire les albums 2013 que j'ai particulièrement apprécié, mais ce ne sera pas toute l'émission. Sauf le premier, c'est une collaboration absolument exceptionnelle entre le compositeur italien Teodardo et aussi le musicien allemand Lixa Bargeld. Lixa Bargeld, c'est le leader de Einsturzende Neubauten, et il était aussi de la bande Nick Cave and the Bad Seeds. D'ailleurs, il y a un lien avec une autre chanteuse que je vais vous présenter en deuxième partie d'émission, parce qu'elle a fait une interprétation absolument géniale d'une des chansons de Nick Cave. Je vous en parlerai un peu plus tard. Là, on va commencer par deux chansons issues de cette collaboration. L'album s'appelle Still Smiling, paru en 2013. On va écouter Mi Scusi et ensuite Bunt Metal DB. On écoute ces deux chansons. Il mio italiano non ha fatto molta strada, me la cavo un po' così. Non intendo offenderla, l'accento quello no, non se ne va, non se ne va. Sì, scusi, la lingua l'ha parlata. Scusi, il mio italiano è ancora giovane e inesperto, e che va così, si perde un po' sperduto. Sul serio, l'accento quello no, non se ne va, non se ne va. Wer bin ich in einer anderen Sprache? Kommen die Metaphern mit mir mit? Mi scusi, no. È così rudimentale il mio italiano. Facevo latino a scuola, a un livello cavernicolo. Ciò nonostante, non intendo offenderla, l'accento quello no, non se ne va, non se ne va. Giacomo, C'était Théo Théodardo et Blixa Bargeld, Blixa Bargeld dans la chanson, dans deux chansons tirées de l'album Still Smiling. Je l'ai dit, c'est une collaboration assez exceptionnelle entre ces deux musiciens. Je connais moins Théo Théodardo, mais Blixa Bargeld, c'est le leader de Einstürzen des Neubauten et aussi le guitariste ancien guitariste de Bad, de Nick Cave and the Bad Seeds, il a son groupe, en fait, il l'a démarré quoi, quelque part au début des années 80, je dis ça de mémoire, j'ai pas mes notes devant moi. Et mais à l'époque, il visait à faire de la musique complètement différente de ce qui se produisait en Allemagne. Il n'est pas le seul, d'ailleurs. Je suis tombé sur un documentaire de la BBC qui raconte justement tous ces groupes qui, dans les années 70-80, essayaient vraiment de réformer, de faire autre chose que la musique populaire en Allemagne. Un peu, vous rappelez la première émission que j'ai fait avec Mashrou Laila, Yasmin Hamdan et d'autres qui essaient de faire de la musique différente de ce qui se produit, de ce qui est vendu habituellement dans le monde arabe. Ben, c'était un peu la même chose à l'époque. Je vais mettre un lien vers ce documentaire sur le site, sur le blog de l'émission Les Oreilles Ailleurs. C'est très facile à trouver, Les Oreilles Ailleurs. Vous allez sur ckrl.qc.ca, vous cherchez dans la programmation Les Oreilles Ailleurs, vous allez tomber sur la page du blog, la page Facebook, la page Twitter. Et habituellement, pas tellement longtemps après l'émission, je mets des liens vers les chansons que j'ai fait jouer et aussi vers des choses que je mentionne, comme ce documentaire de la BBC qui est absolument, ma foi, j'ai commencé à écouter ça et ça, c'est un peu comme un bon livre, hein. On s'installe devant et on peut pas s'empêcher de continuer de l'écouter dans ce cas-là jusqu'à la fin. Je vais vous présenter un autre groupe et là on est dans un autre registre malgré qu'il y a certaines ressemblances. On a senti un peu le côté musique industrielle de Lixa Bargel dans les deux chansons qu'on vient d'entendre, surtout la deuxième. Et là, on s'en va dans un côté plutôt style musique du monde, avec un groupe qui s'appelle Demonia Nymphe. Demonia Nymphe, petite anecdote en passant, Demonia Nymphe, je suis tombé sur une des chansons de l'album. Je vais vous présenter trois chansons. Je vais donc sur là où j'achète habituellement les albums numériques. Pas moyen de le télécharger. On s'échange via Twitter. On s'échange ce groupe-là et moi. Et bon, il me donne une autre adresse. Pas moyen, en tout cas, nulle part. C'était pas disponible au Canada, cet album-là. C'est quand même assez incroyable. Mais bon, c'est la vie. L'album s'appelle Psychostasia. Psychostasia, Demonia Nymphe, c'est Demonia Nymphe. Et finalement, il y a eu comme un échange comme ça entre eux, eMusic, où je me procure beaucoup de mes albums. Et j'ai fini par pouvoir avoir accès à la version numérique, la version en MP3 de cet album Demonia Nymphe et Psychostasia. Là, on va écouter trois chansons. La première, c'est Zephyrus Eyelightening Animus. Ce sera suivi de Selenis Awakening Horus et Psychostasia, qui est le titre de l'album. Et je sais pas que j'ai l'intention de faire jouer beaucoup de musique du monde dans cette émission. Je vais en faire jouer de temps à autre. Moi, je vais plutôt intéresser à vous faire découvrir des groupes qui chantent, qui jouent du rock alternatif, et enfin toutes les variantes autour du rock un peu partout à travers le monde. Quoique, vous allez voir, aujourd'hui, on va dans la deuxième partie, on va tout à fait vers autre chose. Donc, mais j'ai aussi vocation de vous surprendre à l'occasion. On écoute Psychostasia, Demonia Nymphe.

Le spectacle, donc, a été... En fait, ce sont plusieurs chanteuses polonaises, mais là-dessus, il y a des comédiennes polonaises qui chantent et qui ont participé à ce spectacle. Il y a quoi, quelque chose comme 13 chansons sur l'album dont je vais vous présenter des extraits. Mais c'est une réinterprétation de ces chansons qui ont été popularisées par Demarczyk, ou Demarczyk selon la prononciation. Parce que, bon, mon polonais étant ce qu'il est, j'entends parfois Demarczyk, parfois Demarczyk, c'est pas nécessairement évident. En fait, je vais mettre son nom sur le blog, je l'ai dit tantôt, et je le répète, lesoreillesailleurs.net, toutes les chansons que je mets le nom, le titre des chansons, mais aussi le nom de celles qui les interprètent, ces chansons, sur le blog. On va commencer par une première réinterprétation de cette chanteuse qui se rapproche davantage d'Edith Piaf, mais qui aussi chantait beaucoup de poèmes de poètes polonais. Donc, c'était quand même une chanteuse, je crois bien, une chanteuse fabuleuse. En fait, j'ai eu l'occasion d'écouter quelques-unes de ses interprétations. Et effectivement, elle était très théâtrale dans sa façon de présenter les chansons. Et je crois que les artistes ont bien rendu cet aspect de sa personnalité, parce qu'elle était, je crois qu'elle a fait beaucoup de cabaret, mais elle a fait beaucoup de spectacles, elle a fait beaucoup de films aussi. Eva Demarczyk, elle a fait beaucoup de présence dans des films aussi. Et c'est pas étonnant, donc il y a beaucoup de comédiennes qui ont voulu lui rendre hommage. On va commencer par une chanteuse qui n'est pas comédienne, c'est Eva Kletch. Qui a réinterprété une chanson qui avait popularisé Eva Demarczyk. La chanson s'appelle Rebecca. Et c'est en entendant cette chanson, la première fois que j'ai voulu en savoir davantage sur qu'est-ce que c'est que ce spectacle, parce que, vous savez, maintenant, on peut voir beaucoup d'extraits de spectacles sur le net. Bon, je vois cette chanson et je vois que c'était très, très théâtral comme présentation. J'ai dit, bon, qu'est-ce que c'est que ce spectacle? J'ai fouillé un peu et j'ai fini par trouver le spectacle en question à Niolivi Kolarzy, qui a été produit en 2011, et il y a un album qui est issu de ce spectacle. On va écouter d'abord Rebecca par Eva Kletch. Widziałam Cię po raz pierwszy w życiu i serce me w ukryciu cicho szepnęło, to jest on. I nie wiem skąd, przecież jesteś obcy, są w mieście inni chłopcy, Ciebie pamiętam z wszystkich stron. Kupiłeś ergo i w mym sklepiku, zawsze tak pełnym krzyku, wszystko umilkło, nawet ja. Mówiąc adieu, ty się śmiałeś do mnie, ach, jak mi żal ogromnie, że cię nie znałam tego dnia. O mój wymarzony, o mój wytęskniony, nie wiesz o tym przecież ty, że w małym miasteczku za tobą ktoś wypłakał z oczu łzy. Że biedna Rebeka w zamyśleniu czeka, aż przyjedziesz po nią sam i zabierzesz ją jako żonę swą. pamiętam dzień, było popołudnie. Szłam umyć się pod studnię. Zjechał raz, a koło ciebie siedziała ona, żona czy narzeczona. Przez mgłę widziałam razem was. Coś zakręciło się w mej głowie, mam takie słabe zdrowie. W sercu ścisnęło coś na dnie. Padłam, patrzył ktobie wprost pod nogi, cucąc mnie pełen trwogi. Co pani jest? Spytałeś mnie. O mój wymarzony, o mój wytęskniony, nie wiesz o tym przecież ty, że w małym miasteczku za tobą ktoś wypłakał z oczu łzy. Że biedna Rebeka w zamyśleniu czeka, oś przyjedziesz po nią sam i zabierzesz ją jako żonę swą hen do pałacu bram. Ten krzyk, ten gwałt, ten cud ja sobie wyobrażam. Boże mój, na rynku cały lud, a na mnie błyszczy biały weselny strój. O mój wymarzony, a mój wytęskniony, czy kto kocha cię jak ja? Lecz ja jestem biedna i to mój sen, co całe życie trwa. Moi, j'ai débaptisé Madame Kletch, c'est Maya, Maya, M-A-J-A, K-L-E-S-Z-C-Z, Kletch. C'est une chanteuse qui a son propre groupe présentement, Maya Kletch and Incarnations. Elle a débuté avec un groupe que j'aime beaucoup, un groupe polonais que j'aime beaucoup, Vasa Village Band, qui fait dans le folk, mais aussi parfois le punk folk. En tout cas, c'est fort intéressant ce qu'ils font, Vasa Village Band. Et elle a fait cette interprétation d'une chanson qui avait été popularisée par celle à qui on rend hommage dans ce spectacle, qui est une chanteuse absolument exceptionnelle, Eva Demarzik. On va écouter au moins deux autres chansons. On va commencer par Taki Pejaz, pardon, de Agnoli, je vous donnerai le nom de l'artiste tantôt, je ne l'ai pas sous les yeux. Ensuite, on va écouter Naides Galibdend et peut-être Pokalunki, enfin je verrai là, selon le temps dont on disposera. On continue donc l'écoute de l'album qui est en fait le spectacle Agnoli Vkolarze. Thank you. Ладно. polonaise, elle s'appelle Justyna Setkowska et c'était Taki Peizaz. C'est une chanson magnifique. Justyna Setkowska, elle est actrice. On va poursuivre avec d'autres extraits de ce spectacle Annie Olive Colorze, un spectacle qui a été réalisé en hommage à une grande chanteuse polonaise, Ewa Demarczyk. On va poursuivre avec Garbus, qui est une superbe chanson qui est chantée par Kinga Price, une autre actrice. Kinga Price, elle a joué dans plusieurs films polonais. Et c'est elle qui a fait, je vous parlais tantôt de Nick Cave. Je vous parlais de Nick Cave tantôt. C'est elle qui a fait une interprétation absolument fabuleuse d'une chanson de ce groupe. Ce groupe australien, Nick Cave, il est australien, mais avec des artistes, des joueurs, des musiciens de plusieurs endroits dans le monde. On poursuit donc avec Garbus de Kinga Price. Вже гарбуз досить корисні в погоди і в бабі лато, гарбатий живот м'яв істнє, і смерть ма істнє гарбато, вже в дрозі. Мгєв у повітю, якби башень трудно розстрігав, а ніць не робив в тим життю, єно гарб свій двігав і двігав, тим гарбем же брав і танчив. Teraz śmierć sobie skarbi, w jej mrok wydłużył już szyję, jeno garb jeszcze się garbi, pokątnie żyje i tyje. Przeżył swojego wielbłąda, równą swej duszy chwilę. Nieboszczyk ciemność ogląda, a on te w słońcu motyle. I do zmarłego dźwigacza powiada krążąc swą głodą: za ten twój upór oznacza, żeś poprzek legł mi przegrodą. Czyś w mgle potracił kolano, czyś snem pomiażdżył swe nogi, po coś mnie brał na barana, by zgubić drogę w pół drogi. Czemuś łbem utkwił na cieniu, z trudem w twych barach się mieszczę. Ciekawym wieczysty leniu, dokąd poniesiesz mnie jeszcze, jeszcze. Johann Wolfgang von Goethe. Ich denke dein, wenn mir der Sonne Schimmer vom Meer strahlt. Ich denke dein, wenn sich des Mondes Flimmer in Quellen malt. Ich sehe dich, wenn auf dem fernen Wege der Staub sich hebt. In tiefer Nacht, wenn auf dem schmalen Stege der Wanderer bebt. Ich höre dich, wenn dort mit dumpfem Rauschen die Welle steigt. Heine geh ich oft zu lauschen, wenn alles schweigt. Ich bin bei dir, du seist auch noch so ferne, du bist mir nah. Die Sonne sinkt, bald leuchten mir die Sterne, oh, wärst du da. Ich denke dein, wenn mir der Sonne Schimmer vom Meer strahlt. Ich denke dahin, wenn sich des Mondes Flimmer in Quellen malt. Ich seh dich, wenn auf dem fernen Wege der Staub sich hebt. In tiefer Nacht, wenn auf dem schmalen... C'est sur ces quelques notes de la chanson Nahe des Geliebten de Renate Jett, une autre actrice qui faisait partie de ce spectacle en hommage à la grande chanteuse polonaise Demarczyk, Ewa Demarczyk, qu'on va devoir terminer l'émission de cette semaine. Je vous invite à demeurer avec nous puisque Michel Bonaparte suit Topic du Capricorne. Et moi, je vous dis au revoir et la semaine prochaine. N'oubliez pas, si vous voulez savoir les titres des chansons qui ont joué aujourd'hui, vous vous rendez sur le blog de l'émission lesoreillesailleurs.net tout simplement. À la semaine prochaine. L'émission Les Oreilles Ailleurs vous a été présentée par le Café Babylone. Lieu de rencontre et de dépaysement, le Café Babylone est une invitation permanente à la découverte culinaire. Laissez voyager vos sens. Au 181 Saint-Vallier-Est, cafébabylone.com. CKRL 89.1. Tu savais que beaucoup de femmes ont une âme de guérisseuse. Elles ont posé les mains sur nous. On a tout de suite senti une chaleur se répandre dans tout le corps. Un courant d'énergie pure agissait à l'intérieur. Ce qui était tordu se redressait. Ce qui était obscurci s'éclaircissait. Ce qui était cadenassé se déverrouillait. Cultive du goût. Dans le quartier Saint-Roch, il y a un salon de dégustation. Station. On sert la bière de différentes façons. On y trouve même un random. Check it out. Alors là, j'imagine. J'imagine.